insane. Fun radio. Fun radio. Fun radio. Le son dance floor. Fun radio. Tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Eh ben, jouons maintenant au Free Code Game. C'est parti pour le Free Code Game. Je te pose 5 questions. Bonne chance, Martine. Merci. Allez, on y va. Quelle est la capitale de la Lituanie? Ah, en plus, t'es prof. Hein. Géo quand même. Bah oui, mais bon. Pas de géo, hein. Alors. Je pense que tes élèves vont être fiers de toi. Oui, c'est Bertrand, Bertrand Cantat a été là-bas pendant plusieurs. Enfin, pendant longtemps parce qu'il avait. Il a tué sa femme. En détail, quoi. Ah oui. Ça te dit rien, Bertrand Cantat du groupe Court Désir. Ouais, non, bah non, parce que normalement c'est du tac au tac. On est vachement au tac au tac. Ouais, là on est pas. Voilà, c'était Vilnius. C'était Vilnius. Quel chanteur français. Quel chanteur français a eu des problèmes avec la justice? Quel chanteur français a eu des problèmes avec la justice à Vilnius, hein, c'est ce que je veux dire. Ah, j'allais dire, c'est assez vaste. Oui. Ah, Bernard Cantat. Non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était Bertrand Cantat. C'est son cousin. Et oui, c'est son cousin, oui. Bah oui, t'as dit Bernard. Bon, de quel groupe était-il le leader? Bah oui. Noir Désir. Bravo. Bonne réponse. De quelle ville était-il originaire? De quelle ville est originaire le groupe Noir Désir? Non. Bordeaux, bonne réponse. Wow. Pas mal. Et enfin, combien de buts ont-ils mis à Bruges? Bordeaux. Tu parles de Bordeaux, bien sûr. C'est en Europa League, je dis. Du foot maintenant, non? Bah oui. Non, tu vois pas? Deux. Non, quatre. Oh, dommage. Eh oui. C'est presque pareil. Bah oui, c'était presque pareil, mais bon. Bon, bah Martine, malheureusement, c'est perdu. Hein. Martine a perdu aujourd'hui. Eh hein. Oui, c'est Martine retourne les mains vides. Eh oui, exactement. Ouais. Oh. Bon, Martine. Voilà. Et oui, Martine a raccroché. Ah, voilà. Bon, ben, je te souhaite une bonne journée, Martine. Hein. Merci beaucoup. Ben, merci d'être venu. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Merci. Au revoir, bonne journée. Mickaël à la radio. Le replay, c'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Olivia Marguin fait encore parler de lui en critiquant ouvertement la ministre de la Justice, Annemie Tertelbaum. Exactement, il aurait déclaré qu'elle était la pire ministre qu'il n'avait jamais vue. Elle est lente, verte et ne mange que de la salade. Et il se demande si elle ne sauve pas d'Annemie Tertelbaum. Oh là là. Wow. D'après certaines rumeurs, le député européen Daniel Cohn-Bendit serait en réalité une femme. Logique, si Daniel Cohn-Bendit était un homme, il s'appellerait Cohn-Bendit. Ça lui irait plutôt bien. Le vice-premier ministre Johan Van Delanotte a réagi aux critiques de l'administrateur d'Electrabel, Sophie Dutortoir. Il qualifie de tromperie la politique tarifaire d'Electrabel. Et on sait qu'en matière de tarifs, il s'y connaît, la note. Alors qu'il se rendait à Bamako pour rencontrer le président malien afin de gérer la situation des otages français, François Hollande est reparti très rapidement. En effet, il n'y avait personne pour le recevoir, mais le président français devrait savoir que le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. Si vous aimez les crooners américains et les produits inflammables, achetez le best-of de Barry White Spirit. Mais oui. Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on y va, c'est parti, on appelle direction la Louvière. Nickel, pour l'instant ça marche, ça sonne. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Oui, bah, en fait, voilà, je me demandais, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on dit que les oranges sont oranges? Parce que, est-ce que c'est parce que le fruit est de couleur orange ou est-ce que c'est parce qu'on avait la couleur que le fruit s'est appelé orange? Oui, jaune. Bah, justement, pour le citron, vous voyez, il est jaune, pourtant, on dit pas citron. Ben oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous? Ben, je ne pense rien du tout. Ah oui, pour mais moi, alors... elle est jaune, moi. Elle n'est pas orange. Ah, pour vous, les oranges sont jaunes. Voilà. Et le citron, alors? Il est vert. Et la pomme? Moi, je suis daltonienne, donc c'est ça que je contrôle les couleurs. Ah oui, forcément, forcément. Enfin, donc pour vous, ça n'a pas beaucoup d'importance, en fait, les couleurs? Non, pas du tout. C'est ça, parce que pour vous, une orange, elle est jaune, donc forcément, et voilà. Le citron est vert. Voilà, et les fraises sont noires. Et les fraises sont noires, oui, d'accord. Voilà, ok. Ah bah oui, voilà. Non, alors vu comme ça. Voilà, allez. Ok, comme ça, d'accord. On va quand même la rappeler parce que je pense qu'elle se fout un peu de nous là. Mais oui, c'est ça. Non, elle oserait pas. Si, si, je pense, ouais. Ah, bon. On va la rappeler une dernière fois là. Je vérifie. Juste pour voir, mais c'est ça, vérifions. Alors, à Nicki Minaj, juste après. Voilà, c'est parti. Bah, en fait. Je voudrais dire à l'espèce d'enfoiré là, qui t'a donné mon numéro là. Oui. Qu'il passe lui-même. S'il a vraiment les couilles au cul, qu'il le passe lui-même. Elle avait l'air un peu énervée. Elle avait l'air un peu énervée, la petite dame. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Non, bah... on va faire autrement, c'est pas grave. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah, alors t'as gagné. Ouais, bon, écoute, tu verras au standard. Hein. Cherchez pas ailleurs. Le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. On va se faire la ligne anti-relou. Les meilleurs messages laissés sur le 0473-86-0013. Allez hop, c'est parti, on écoute le premier. Ouais, maintenant je suis l'ami à Salomé, je m'appelle Andy, et c'est pour te dire que je te trouve super belle et tout, donc si tu veux qu'on se parle, envoie-moi un SMS ou appelle-moi. Bye. Ah d'accord. Vous êtes il est encore sur MSN quoi. Ah d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Ringard. J'avais pas entendu le tout derrière. Deuxième message. Ouais, Céline, c'est Roger. C'est pour dire que je t'ai trouvé très très très mignonne à. Hein? On se connaît, nous deux, hein. Ouais. T'es bonne, hein. T'es bonne. Bah oui, quand tu dis t'es bonne, Anne Love, c'est jackpot, c'est direct. Ah, complètement. T'arrives, tu la vois, tu dis, ah, oh, t'es bonne. Tu dis, ah, mon prince charmant. Oui, c'est ça, quoi. C'est ah, mon Roméo. Veux-tu m'épouser? Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Ah.